Friova. As-tu des renseignements sur le passé du petit ou qui est son nom? Je sais son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et je pense que j'aimerais l'inviter. Oui. Je laisse courir un chapelet entre mes mains. Mes mains sales, couvertes de la boue du voyage. Mes mains incrustées sous les ongles de traces indéfinissables. Je les regarde avec insistance. Et Gluty, j'hésite à parler. Hermann est un des partisans qui courent la zone. Il emploie des vauriens comme Alyosha. Peut-être n'est-ce même pas son nom, j'en sais rien. Mais lors de la rencontre avec les libérateurs dont je t'ai parlé et qui a emporté mon groupe, j'ai choisi d'épargner Hermann. C'était il y a quelque temps déjà. Il me doit cette vie. Hermann est donc un membre de ces francs-tireurs. Je tire sur le brassard que porte celui que j'ai appelé Alyosha tout à l'heure. Ils abordent ce genre de choses. C'est leur engagement pour la cause. Leur cause. FTP. Si tu n'arbores pas leur brassard, tu risques ta vie. Ils ne sont pas du genre à parlementer et tirent à bonne distance. Si nous nous risquons au dehors, après avoir trouvé ce que nous cherchons ici, il faudra nous méfier d'eux. Et nous aurons à traverser la zone qu'ils contrôlent, ainsi que la zone que contrôlent ceux qui conteste l'autorité de la milice sur ce territoire. C'est le territoire qui est aux mains des libérateurs. D'accord. Bon. Je pense que tu auras tôt fait de t'initier aux arcanes du pouvoir local. En attendant, maître chroniqueur, tu peux lui faire confiance. C'est un bon bougre, un bon zig, et il sait qu'il me doit la vie sauve. Je ne pense pas qu'il ira nous perdre et les territoires enfouis sous la montagne sont ceux qui courent depuis qu'il est gamin. Il en connaît le moindre recoin. Tous les dangers. D'accord. Sais-tu si on est encore loin? Je ne sais pas par où il nous fera entrer. Irons-nous par le tunnel? Un psy. Trop dangereux. Il y a des patrouilles. On va remonter le long du train et on se risquera dans la forêt. Après, il y a une entrée dérobée, une porte que nous avons ménagée avec Hermann. Personne ne la connaît. C'est la nôtre. Faut juste remonter le train. Mais devriez voyager léger parce que il faudra être rapide et si on doit accélérer le pas, il faut pas que vous me ralentissiez. Hein. Oui. Restez dans mon pas tout le temps. D'accord. Vous aussi. Mais il te regarde de la tête aux pieds. Il faut voyager léger, t'as compris? Oui. Tu peux prendre tes fontes de sel, mais faut avoir les mains libres. T'auras besoin de tes mains. On va escalader, descendre dans des tunnels étroits. Je ne sais même pas si tu pourras garder tes fontes de sel bien longtemps. Et ça monte à mon cheval. Ah. T'as bien fait de le laisser là-bas, mais je te garantis pas que tu retrouveras pas que ces jarrets. Ici, comme l'a dit le prieur, c'est le territoire des libérateurs. Il s'est approché de toi et il est démesurément élargi ses narines pour te humer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une drôle d'odeur. Je sais pas si c'est vous qui l'avez apporté, mais il y a une drôle d'odeur ici. Bon, laquelle? Il faut pas rester ici trop longtemps, on va se faire repérer. Quelle odeur? Ben justement, je sais pas. D'accord. Ça sent comme... comme la viande qu'affectionnent les renards. Il y a juste la lanière, la jugulaire de son casque. Je tapote le casque, allons-y. Je dépose dans le tendeur mon espadon, mes sacs, gypsière. Je vérifie le baudrier de mon calcinateur. Vérifie la mission. Et j'emboîte le pas du gamin. Je me retourne vers toi. Vous venez? Oui. Je m'arrête. Allons-y. Je m'arrête à nouveau. As-tu fait tes prières, mécréant? Je ne suis pas croyant. On s'avance dans ce train tout rouillé, avec du bois vermoulu. Le gamin descend. Arrivé à la première voiture et foule les hautes herbes qui ceinturent le bougie. Je le suis. Ça craque, ça crisse. Les voitures, la voiture a gémi sous nos poids conjugués parce que nous sommes arrivés à la jonction entre la motrice et le wagon. Nous longeons la voiture. En contrebas, dans le fossé, il y a une petite mare, là où l'eau des pluies des derniers jours s'est attardée. La terre est toute noire, un véritable bourbier. On comprend mieux pourquoi la forêt est si dense sur ce flanc du lac Ontario. Dans l'eau semblent flotter des carcasses de plastique avec le verre dépoli qui n'est pas sans évoquer les alcôves que tu as fréquentées, Liberté. Des carcasses de moniteurs, d'ordinateurs sont disséminées dans la boue, semble avoir été abandonné là. Ici, c'est la fin de notre cache. Quel gamin. Je me tourne vers toi. Maître ? Oui. Je pense que ce genre de choses nous disent combien ce lieu pourra vous être familier. Peut-être êtes-vous venu ici sans le savoir, ou devrais-je dire que ce lieu est peut-être plus un lieu que les vôtres ont investi que l'hospitalier. Mais demeurez sur vos gardes. C'est bizarre ce qu'a dit Alyosha à propos de l'odeur. Oui, peut-être. On pensait que c'était quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'on a emporté avec nous quelque chose qui a mis ses sens en éveil. Peut-être. Il vit seul ici. Vous avez toujours vécu dans votre communauté, vous? Non. Par là, je voulais dire que vous n'avez pas toujours été dans l'alcôve des chroniqueurs. Où étiez-vous avant? Je n'ai pas trop envie d'en parler. Je ne veux pas vous gêner. Je sens quelque chose, une chose que seul Alyosha et moi partageons. Tu le sens, c'est passer au travers du filtre de ton masque, une odeur. Pas une odeur, un pressentiment. Après, je ne saurais pas le décrire. Est-ce que des images ont afflué derrière ta rétine, des souvenirs, peut-être? Non, c'est seulement une sensation étrange. J'ai indiqué aux mécréants, aux marchands d'esclaves, n'a bu quelque chose qu'il pouvait faire ses prières. Les miennes, je devrais les faire. Je devrais prononcer les mots. Être à nouveau dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir par une nuit paisible et par l'orage la sève universelle. La sève affluer dans mes mains, vivre dans les rayons du soleil, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, écouter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans mon cœur vif l'air, le feu, le sang. Tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère. Être le jour qui monte et l'ombre qui descend comme du pourpre. Couleur de cerise, laisser le cœur vermeil couler, la flamme et l'eau, et comme l'autre, clair appuyé au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde, assise. Mais là, on est dans l'urgence, ce ne sont plus les branches, la forêt, l'ail des ours qui étouffent. Toute senteur, non, c'est la peur qui monte, l'odeur du calcinateur qui monte, la nafte qui monte dans le calcinateur et qui pourra éloigner ceux qui se coule de l'autre côté du bogie. De ma main, j'ai indiqué aux autres de ne plus bouger. Nous sommes dans le prolongement de l'essieu. Des pas. Des bruits sourds qui ébranlent la voiture. Ça crisse. Ça foire. L'odeur monte jusqu'en mes narines. J'anticipe l'odeur de chair grillée. Je n'ai pas encore appuyé sur la gage de mon calcinateur, mais je me tiens prêt. Je me redresse. Tout prêt à tirer. Flamme lèche la voiture, mais ne passe pas au travers de la vitre. J'ai entendu la balle, j'ai senti la balle. La balle heurtait, perforait mon épaule de part en part. J'ai senti la douleur. J'ai senti ma blessure. Entrer en moi, puis c'est la course. On se sauve, j'entends les balles qui fusent, celles du partisan du jeune Alyosha qui tire, qui réplique. Je sens quelqu'un qui me porte, qui me tracte. On court le long de la voie, nous sommes poursuivis. Ils sont nombreux, trop nombreux. Je sombre. Je sombre. C'est le noir maintenant. L'obscurité enveloppe tout. Mes sens sont émoussés. Alyosha a ouvert à la volée une porte ménagée à même le sol, une grande porte. Qui s'ouvre sur le néant, sur nulle part, le nulle part où nous avons choisi d'aller. Nous glissant dans l'obscurité, mon épaule droite est percée par la douleur. Est-ce une voie pour la sepsie? Démurge à étreindre mon cœur. La peur a grillé ma foi. Je ne sais plus parler. Je n'ai plus que le souvenir de cette déchirure, de cette blessure, de mes chairs lacérées par l'impact de la balle, la douleur. Alors que nous avançons dans la promiscuité et que nous sommes pareils à des bêtes, je sens que quelque chose change, qu'un tournant s'opère, qu'un agent insidieux, peut-être virus de ces eaux, de ces lieux, viens et m'insuffle des choses. Il semble nier, mais oui, il nie la corruption, il nie le profit, il nie ce en quoi j'ai, disons-le simplement, foi. Et tandis que j'avance, tandis que mon corps s'épuise, tous mes dinars ont chuté, mes lettres de change aussi. Je n'ai plus rien. Plus rien qui ait de la valeur. Ou du moins plus rien qui ait de la valeur de Tripole. Oui, car ici. Ici comme ailleurs. Il y a ce fameux proverbe. À Tripole, vit comme les Tripolitains. Et mais alors, dans la boue, dans la promiscuité, dans. Dans la faim, dans le crime, dans les horreurs. Il faudrait que je sois crime, horreur, et pauvreté et misère. Tout cela me... ne cesse de me tourmenter. C'est mon corps qui s'épuise. C'est mon cerveau qui fuit. C'est ma langue qui déjà reste quoi. Et alors que je regarde mes deux compères, je comprends qu'ici, il y a un danger. Et ce danger nous a déjà bouffé. Je titube le long des marches. Et je te rejoins. J'ai le visage blême, blafard. Et Il doit avoir un torboyau. Alyosha. Allez voir dans les replis de sa vareuse. Une flasque, une petite bouteille. D'accord. Sanctifier son jus. Bois dedans, premier. Il faut que vous buviez d'abord. Je sais pas ce que c'est. Buvez, recrachez. Caca de scarabée. C'est ça. Sérieux ? C'est du pipi de scarabée. J'ai distillé du pipi de scarabée pendant toute la semaine. Ça sent trop bizarre. J'ai envie de goûter. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est du lait d'amande ? Je sais pas, ça goûte bizarre. C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai bu. Ouais. C'est un goût bizarre. Ouais, jusqu'au bout. Tout. Lui, il a pas tout bu. Lui, c'est un tricheur. Tu bois. Moi, je suis pas un chroniqueur. Méchant. On s'arrêtera pour la convergence. J'exige pas que tu craches dedans pour que je bois derrière. C'est très bizarre. Dis-moi ce que c'est. Enfin, que j'ai bu. Vraiment une gorgée. On m'en dit. Tout. Attends, tu vas me sortir un truc à la fin, je sens. C'est de la vodka. Non, la vodka c'est super fort. Je t'ai vu. Tu as fini ? Non, oui, j'ai fini. Non, allez, vas-y. C'est très bizarre. Non, j'en veux pas, c'est gentil. C'est gentil. C'est un goût bizarre. T'aimes vraiment pas ce que c'était. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est du jus de noisette. Ah, je m'en doutais un peu. Parce que ça a un goût mélangé de noisette et de l'eau. C'est bizarre. C'est un jus de noisette ? C'est un jus, un lait de noisette. C'est ta maman qui l'a fait. Ah oui ? Tu l'as mélangé avec de l'eau. Il y a un... Ah, la dernière, elle est bizarre. Ça pique un peu, non ? Ah là, tu veux revenir y retourner au final ? Tu cherches le goût de noisette, c'est ça ? Oui. Je la trouve pas. Moi, j'ai trouvé. Il est en train de mourir. Tu craches, non ? Un peu. dans la bouteille. Après, tu recraches ce que tu as bu. Je bois à ta suite. La salive des élus est souveraine contre les blessures. Elle est bonne, ma salive. Je ne sais pas le goût qu'elle peut avoir. J'ai pas ressenti le goût. Mais je vois des choses. Quoi? Je m'effondre. Ok. Bonne nuit. Je suis fiévreux et vois la sueur perler à mon front. Bon, on fait quoi maintenant? Je suis pris de tremblements. Mes mains tremblent. Ok, il fait une crise d'épilepsie. Et ça ressemble à ça, mais tu vois surtout que ici, là où la marque du sang imprégnant ma vareuse s'était répandue, tu vois que dans le trou ménagé dans la pièce de tissu, là où la chair était à vif, toute tuméfiée, tu vois les chairs se ressouder, se reformer. Ah oui, c'est efficace quand même. Et désormais, nous entendons Elf. Quoi? J'entends Elf. Nabucodonosor entend Elf. Onze. Quoi, onze? Bah, elf. Onze. Oui, oui. Un. Cela présage l'arrivée d'un envahisseur. Un. En somme, un Attila, un fléau. Un fléau qui s'approcherait. On ne parle plus, je suis allongé, mais je parle avec toi. Je parle dans ton esprit. Donc si tu choisis l'exploration pour ton instance, tu as le D66 qui déterminera la nature, orientera tes découvertes. Qu'est-ce que j'entends par exploration? Si tu choisis d'avancer dans le temps de façon chronologique et explorer mes jgoyés, ou tu peux choisir de faire un flashback ou une introspection, auquel cas c'est autre chose. Tu considères comme une dizaine, l'autre comme unité. Pas déterminé. Hop. Ça, c'est les unités. 10. Non. C'est 6. Ça, c'est 6. Ouais. Oui, 6. Ça, c'est 6. Donc 66. Le lieu te fait perdre la mémoire. Durant cette exploration, tu as également l'opportunité de te transformer ou de trouver un être et une chose qui vont désormais t'accompagner. Cette transformation ou cette association sont très tentantes. Mais si tu y cèdes, il y aura aussi des conséquences dramatiques. Je suis obligé d'y céder ? Non, c'est toi qui choisis. Tu peux décrire la... Dans cette phase-là, tu vas décrire en quoi c'est séduisant pour toi, si tu décides d'y renoncer. Et pourquoi tu y renonces ? Mais si j'y renonce pas ? Eh bien, tu vas... indiquer en quoi ça te transforme définitivement et quel renoncement de toi ça implique. Après, tu peux avoir une thématique émotionnelle. On a dit 66. Ce serait... ça irait vers une atténuation des émotions. Terme pour ça, ça ne vient pas à l'instant. Dans ces catacombes, oubliées des temps, oubliées des hommes, il y a une personne, une ombre, qui se détache et m'observe. C'est un homme. Chose étrange, il semble aussi venu de... Mais ma foi, il vient de Tripol. C'est un homme à qui la bourse est restée, à qui tous ses deniers, tous ses dinars, toutes ses lettres de change ont été offertes. Et il me regarde avec une sorte de dédain. Et en même temps avec une sorte de sympathie. Cette réaction, pour le moins paradoxale, est tout de suite suivie d'une phrase. Une phrase qui résonne en moi. Mais enfin, mon frère, il faudra que tu reviennes à la raison. Il faut penser au profit. Et je suis presque convaincu qu'il le livrerait. Je suis presque convaincu que tout ce que j'ai fait ici n'a fait que qu'accélérer ma chute, mais je vois tout autour qu'il est bien seul, qu'il est bien là. Sa richesse ne lui sert point. Qu'ici règne un tout autre axiome, celui du partage, de l'ordre, celui de la science et non de la foi, celui de la science et non de l'argent. Et j'y renonce, bien que ce ne soit pénible, puisque c'est me renier moi-même que de faire cela. Mais soit, car il me le faut. Que fais-tu dans ce lieu ? Tu y vois toute la complexité des protections qui ont été déployées par cette ancienne puissance, par ce secret qui a revêtu d'une carapace une protection à l'épreuve des missiles, des bactéries, des virus. Tout ce que l'homme pourrait concevoir pour détruire l'homme. Un sauf lieu. Un lieu préservé de tout. Le lieu te reconnaît Elf, parle ton langage. Parle celui des chroniqueurs, ou peut-être que le flux que tendent à rétablir les chroniqueurs, le flux d'informations, le flux de données, résiderait en elf. Peut-être que c'est ça que tu aurais dû relayer. Mais une autre présence est là. Quelque chose de blanc se tient dans l'ombre. Dans l'ombre que tu as dissipée en allumant tous les circuits d'éclairage. Vous circulez assis sur la selle du véhicule. Les couloirs défilent. Vous vous déplacez vers la zone et les douches où vous pourrez être décontaminé. Vous pourrez chasser la sepsie. Et fugitivement, tu aperçois à chaque détour, à chaque coursive que dépasse l'automate, non pas une ombre, mais une blancheur qui se profile. Et toujours l'odeur qu'avait évoquée Alyosha, cette odeur qui accompagne le corps à demi ensuqué de sommeil de Siobhan. L'odeur de naphte, de vieux pétrole. Cette présence blanche et ce vieux pétrole sont peut-être qu'une seule et même chose. Peut-être qu'il faudrait se débarrasser du pétrole, maître. Que fais-tu ? Vous êtes arrivés dans les douches. Nous sommes arrivés dans les douches. Ils sont arrivés dans les douches. La vapeur se répand, emplit la pièce. Il faut ôter ses vêtements, se décontaminer, ôter sa carapace. Ôteras-tu ta carapace ? Même si je me mets avec. Ôteras-tu ta carapace ? As-tu besoin de conserver ton masque ? Es-tu menacé par la sepsie ? Quel est le breuvage étrange que t'a fait boire le gamin ? Le gamin qui avait un 7 sous son œil gauche. Tu restes là avec ta cape. Les deux hommes qui t'accompagnent ont ôté leurs vêtements. Les vêtements sont à placer dans des tiroirs pour être décontaminés par des vapeurs. Puis ensuite, le corps de chacun est soumis à des rayonnements bleutés entre deux grands panneaux Siobhan fait rouler ses bras musculeux. Il n'y a plus de traces de l'endroit où la balle a atteint son épaule, a fracassé son épaule. Plus rien. Sa chair est toute rose comme celle d'un bébé. Et derrière lui, dans l'ombre de la pièce, là où les luminaires au sodium ne parviennent pas à dissiper les ténèbres, il y a une forme blanche qui se tient. Elle agite sa tête. doigts crochus comme des cerfs dans votre direction. As-tu ôté As-tu ôté ta cape, ton masque? Non. La forme blanche a sur sa tête un casque bleu avec des lettres blanches passées sur le haut du casque. Elle tient une machette dans sa main gauche. Dans son premier bras ventral, elle tient un gourdin. Dans son second bras ventral, elle tient une sagaie. Je vois pas comment intervenir. Tu as pas une position faiblesse en vrai. Ouais. Oui. Forme s'approche de toi en disant liberté. Je veux ton nom. Quoi? Je veux ton nom, 24. Je veux ton énergie. Et bah tu l'auras pas. La main libre Arrête, semble s'étendre. Oui. Elle palpite. Elle s'éloigne du corps et vient jusqu'à ton front. Non, tu me touches pas. D'un coup, je la sectionne d'un simple coup de cimetière. Tu sectionnes tu as 4 phrases, non 3. Ok. Moi, j'ai 4. 11, 5, 9. Donc, tu as une phrase de puissance. Tu sectionnes effectivement et tu vas me raconter ce qui va se passer, ce qui se passe tout de suite après. La personne forme... recule et le bras qui tombe se réduit en cendres. Et d'un coup il baisse les yeux et semble se noyer dans la masse. Se terrant dans le complexe comme si, malgré tout, ce paradis perdu était plus perdu que paradis lac. De la pièce, la nafte qui emplissait son calcinateur. On entend un chuintement. Gratsadam. Gratsadam. Von Trümmerberg. Alors, je propose de faire un bilan de cette session. On libère peut-être notre petite amie. Je vais le libérer. Gratsadam. Parce qu'il essaie de sortir. Très fort. Je reviens. Oui, Karin. Oui. La partie n'était pas ouverte, mais elle n'était pas fermée. Luftschutzkeller in allen Häusern. À clé. Gratsadam. Gratsadam. Der Senat lagert Briketts für schlechte Zeiten. Gratsadam. Gratsadam. Gratsadam. Gratsadam. Unsere Wohnung. Allerdings ganz oben. Ich kann nicht schlafen. Gegenüber auf der Straße. Et maintenant, atelier traduction, je traduis la musique maintenant directement. Donc, alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette session ? Trop bien. Ça t'a plu ? Oui. C'était vraiment pas mal. Alors, première réflexion. Oui. Une question. C'était une partie que je plaçais sous le sceau de l'exploration. Oui. Donc, un grand classique du genre, ça aurait pu être joué avec des règles comme Donjons et Dragons, première édition, sans problème. Mais on avait choisi, nous avions choisi de poursuivre sous Influenza en mode carte rouge. Et c'était ta demande à l'origine, Alexandre, à savoir que j'ai un rôle de joueuse et pas celui de me jouer. Moi, ce que je vois à l'usage, c'est que tu as eu certaines difficultés à remplir, à créer ton instance. Est-ce que ça a été pour toi un obstacle pour prendre plaisir à la partie ? Non. Non, pas pour moi. Alors, sans revenir sur ton souhait, est-ce qu'on pourrait ne pas considérer que on joue justement non pas en carte rouge mais en carte blanche, c'est-à-dire que ça ne m'interdit pas d'avoir un personnage mais qui peut être MJ aussi. Voilà. Ça me dérange. Je pense que ça pourrait t'aider, oui. D'avoir d'être un facilitateur. Parce que je suis pas encore très oui. Je pense que tu te Alors, je sais pas précisément à quoi ça tient, mais il y a des moments, je pense que tu te retires sur ce que tu pourrais évoquer, où t'as pas nécessairement le souhait d'être l'auteur de ce qui se passe. Mmh. Si tu n'as pas le souhait d'être l'auteur de ce qui se passe, peut-être que même, plutôt que de rester sur Influenza, on pourrait revenir à Nibiru. Ce qui permet la dynamique autour des dés et l'incertitude de l'issue, sans que tu sois placé en position d'auteur. D'accord. Est-ce que ça te conviendra plus ? Moi, ça me va. Au-delà de ça, alors, je souhaiterais savoir ce qui vous a plu dans l'histoire, enfin, dans ce qu'on a à jouer, plutôt. Est-ce que l'histoire en elle-même vous a semblé cohérente ? Oui. Est-ce que les personnages qui étaient dedans étaient attachants ? Oui. Est-ce que vous avez, vous êtes parvenu à vous attacher au trop brièvement évoqué Alyosha? Oui. Est-ce que mon personnage de Siobhan paraissait un fanatique monolithique ou pas? Non. Un peu. Un peu? Tu sais que c'est monolithique? Je sais plus. Monolithique, un monolithe, c'est une pierre d'un seul tenant. Donc, est-ce que mon personnage serait uniquement un fanatique religieux, ou est-ce qu'il aurait des failles, est-ce qu'il serait un peu plus nuancé que ça? Non. Est-ce qu'il t'est apparu comme nuancé? Oui. Il fallait répondre non. Oui, je sais, mais moi, je sais pas. Je dis oui pour oui. Donc, il t'est donc apparu un peu plus nuancé au travers de cette partie? Oui. Est-ce que la foi, le phénomène de la foi, de la croyance, est apparu autrement que en termes justement de fanatisme, de dévotion au travers de la partie? Est-ce que vous avez ressenti que la foi était présente dans l'histoire? Un petit peu. Oui, un tout petit peu. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on avance sur là, c'est je questionne l'aspect des Genesis. Est-ce que on a eu des éléments, des secrets des Genesis, ou est-ce qu'on est resté sur de la pure aventure intérieure des protagonistes principaux? Je pense qu'on n'a pas énormément découvert, dans le sens où on sait juste que, grosso modo, il y a des forêts fractales qui sont vraiment méchantes, pas beaux, qu'il ne faut pas y toucher. Et deuxièmement, qu'il y a une ville dans les souterrains où il y a des gens de 7 à 24 qui sont là-dedans. Et que donc, tous les chroniqueurs sont des communistes. Mon Dieu, Blake, vous êtes un communiste! Mais c'est bien sûr, ça crève les yeux! Très. Mais du coup, t'as rajouté de l'eau. Non, c'est la préparation qui est de ta maman. D'accord. Mais c'était pas mauvais, mais je me demandais ce que c'était. Mais au début, peut-être que c'était pas suffisamment mélangé. Je trouvais ça bon, mais je me demandais c'est quoi. Enfin, moi j'aime bien. C'est bon, mais c'est quoi? Et l'enjeu, c'était de tester le goût que ça avait, donc. Bah, je sentais la noisette. J'hésitais entre de l'amande, ce qui m'étonnerait que ça soit. Et oui. Et de la noisette. Est-ce que vous souhaitez explorer plus avant les personnages? C'est-à-dire poursuivre avec le fil directeur de Nabucodonosor, Siobhan et... Mais il est mort vite, hein, par contre. Il est mort très jeune. Donc toi, tu voudrais changer de personnage? Ouais, je ne sais pas encore quel personnage faire, mais... D'accord. Tu vas y réfléchir. Pardon? Tu vas y réfléchir. Oui. Alors, on n'est pas fixé, hein, mais... Je pense que Nibiru, c'était pour l'instant celui qui tournait le mieux avec toi, Alexane. J'ai adoré. Adoré. Donc, on peut garder la présentation, la dynamique des phrases, mais choisir d'agrémenter des souvenirs avec l'échec ou... Mais Burger, c'est l'Italie. Oui. Au début, je voulais que ce soit plus Milvaux cette partie. En fait, ça a été beaucoup moins Milvaux que la précédente. Et plus quoi? Plus des Genesis de facto. Ah bon? Mais c'est pas dans la langue de Goethe. Il met plein de titres en anglais. Parce qu'il voulait faire... Il est anglais ou français? Non, il est allemand. Alors, okay. Je te lis, tu vas me dire si c'est de l'allemand ou de l'anglais. Wolken aus Sporen wehen über die Siedlungen schlagen den Menschen mit Wahn. C'est de l'allemand. Mais t'as pas compris la phrase parce que j'ai pris une phrase compliquée exprès pour que tu ne comprennes pas. Quel malin. Ok. Bah parce que je voulais pas révéler un. On reste sur Nibiru. Je n'exclus Nibiru avec Degenesis.